autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour et bon midi. Bienvenue sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslille.com ou sur DAB+. Où que vous soyez, y compris en podcast, vous êtes bien à l'écoute d'Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Une association, c'est ce qu'il faut retenir d'ailleurs, altermondialiste et d'éducation populaire. Avec, pour vous servir aux manettes, à l'horloge, à la pause musicale et au calendrier militant, l'indispensable Florent. Au micro de gauche à droite, Morgane le billettiste, Dier le nouveliste et Ludovico Luc Gramscien, Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au cinquième épisode de CQNV, ce que nous voulons, dans quelle société nous voulons vivre, nous, militants d'attaque et des environs immédiats. Le mois dernier, nous avions envisagé un monde à la technologie conviviale. Le mois prochain, on regardera de quelle industrie on aura besoin dans des mondes meilleurs. Aujourd'hui, nous parlons de planification. Ça ne surprendra personne, dans notre pays, la planification n'est pas un gros mot. Elle a largement participé à la reconstruction du pays, au moins dans ses premiers numéros. La planification de retour. La planification est de retour. Ça ne surprendra personne. La planification n'est pas un gros mot dans notre pays. Elle a largement participé à la reconstruction. Au moins, j'ai déjà dit, dans ses premiers numéros. C'est ça le problème de l'ordinateur. La planification, le retour, oui, parce qu'il y a urgence, et l'urgence, c'est le climat, c'est l'environnement, c'est la pollution, c'est l'extraction minière, etc. La planification serait-elle le moyen? Ben, on va dire ça, ouais. Mais selon d'où on parle, on n'a pas la même méthode, pas les mêmes objectifs, ni le même contenu, ni la même finalité. On parle de tout ça avec une doctorante de Sciences Po. Quand on précise pas, ça veut dire que c'est Paris. Une doctorante, donc, Claire Lejeune. Claire Lejeune, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être au téléphone avec nous. Je précise que tu es aussi co-responsable de la planification écologique à l'Institut La Boétie. C'est une référence pour plusieurs d'entre nous, même la totalité, je crois bien. Un mot sur ce que je viens de dire, peut-être? Oui. Je pense que tout à fait. Moi, je m'accorde avec déjà l'idée que la planification a joué un rôle important dans le pays et que du coup se référer à cette notion, à cette méthode, à ce concept politique pour envisager une réaction à la hauteur à la crise écologique dans son ensemble, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives très riches. Et je m'accorde aussi avec toi sur le fait que effectivement simplement poser le mot de planification ne dit pas tout sur ce qu'on met derrière en termes de distribution, redistribution du pouvoir, en termes de justice sociale, en termes d'institutions démocratiques. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une situation un petit peu paradoxale où on a un président qui incarne tout ce que le néolibéralisme a pu faire de plus caricatural. Et néanmoins, il reprend ce terme-là que nous, on connaît des campagnes de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent et j'espère qu'on aura le temps d'aborder tout ça au cours de cette émission. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer par un peu d'histoire avec Didier. Oui, pour un bref historique de la planification. Bon, planification qui est parfois vue d'une façon un peu caricaturale avec ce qu'on a appelé le Gosplan. Donc, le Gosplan, c'est le comité d'État pour la planification donc, en Union soviétique, qui, bon, le premier se fait en 1928, donc 7 ans après la NEP, la nouvelle politique économique de Lénine. Donc, le but, c'est de définir et planifier les objectifs à atteindre avec des plans quinquennaux, des plans sectoriels, aussi bien que régionaux. Donc sectoriels, ça peut concerner l'industrie, l'agriculture, et en transverse, les questions de finances. Donc les engagements des entreprises et des États pour dépasser les objectifs prévus. Il y a souvent une espèce d'émulation qui rappelle un peu le stakhanovisme. Bon, il y a eu évidemment des nombreuses critiques du Gosplan. Bon, d'une part par les économistes libéraux, Hayek, von Mises, mais ça on en reparlera. Mais aussi en France, par la, bon, évidemment par les libéraux, mais aussi la gauche française, la social-démocratie, ce qu'on a appelé la deuxième gauche, c'est le social-libéralisme. Donc la fin de la planification est arrivée en avril 91, donc un peu avant la disparition totale de l'URSS. Mais en tout cas, pendant 63 ans, donc le plan a structuré complètement l'économie soviétique. Je passe maintenant à un petit historique français. Donc, à l'avant-guerre, il y a eu des propositions de plans qui ont occasionné pas mal de débats, avec notamment qui ont occasionné aussi une scission au sein de la SFIO entre les pour et les contre. Bon, il y a eu aussi le plan de Vichy pour 10 ans avec des constructions parfois pharaoniques comme le pont de Tancarville. Le commissariat au plan, donc c'est 1946 avec le premier commissaire, c'est Jean Monnet, donc que les européistes connaissent bien. Bon, c'était l'INSEE et un organisme qui s'appelle la CEF, hein, le Service des études économiques et financières, qui pilotait ça. Donc c'était à titre incitatif, ça n'avait pas le caractère contraignant des pays de l'Est et de l'URSS. Bon, il y avait évidemment, c'était une action de l'État pour domestiquer le marché, hein, pas dominer le marché. Et d'après Pierre Massé, qui est un haut fonctionnaire rattaché au plan, ça devait être réducteur d'incertitude. Alors, il y a eu le plan Monnet, il y a eu le plan Hirsch entre 52 et 57. Il y a eu les 3e, 4e, 5e jusqu'au 11e plan, hein, de 1992 à 2006. Et le bon, 2006, c'est l'année où le plan a été abandonné. Il est ressurgi sous d'autres formes dont on va parler. Donc, on passe sur les contenus qui seront développés dans cette émission, sauf que la planification, donc, au fil du temps, n'a plus le poids des planifications d'après-guerre avec ses impératifs de reconstruction et de gestion des pénuries. Voilà. Merci Didier. Un mot peut-être, Claire ? Ouais, je veux bien. Merci, c'est très, très bien pour poser le cadre du débat. Je vais peut-être essayer d'élargir le spectre historique qui a été proposé. En fait, dans mon travail de thèse notamment, j'essaye de réfléchir à cette notion de planification comme étant le résultat d'une construction très très moderne, d'une espèce de dualité entre l'État et le marché. En partant du principe que le marché, en fait, est une construction, un projet totalement politique. Contrairement à ce qu'on peut lire entre les lignes chez Adam Smith, etc., la dimension naturelle, évidente, autorégulée des lois du marché sont, si on regarde vraiment historiquement comment se construisent les marchés, comment ils fonctionnent, ce sont en grande partie des mythes. Donc ce qu'il faut regarder pour, je pense, bien comprendre comment cette idée de planification, elle arrive dans le débat et elle se concrétise avec des versions très diverses, c'est qu'on a effectivement ce mouvement de libéralisation et de marchandisation. Et moi, la référence que je trouve la plus utile à lire là-dessus, c'est le livre de Karl Polanyi sur la grande transformation, où il parle de la manière dont la terre, dont le travail et dont la monnaie, donc ce triptyque-là, se mettent à être insérés dans des marchés. Et il décrit toutes les dislocations que ça produit vis-à-vis des manières, des modes préalables de gestion de la terre, par exemple, sous la forme de commun. À partir du moment, par exemple, où on délimite la propriété privée, la gestion commune des terres n'est plus possible et la terre devient une marchandise avec toutes les conséquences négatives à la fois pour les travailleurs et travailleuses et pour la dégradation écologique des terres que ça peut avoir. Donc, en fait, l'idée de plan, elle émerge aussi parce que on crée un espèce de monstre qui est le marché et qui a des conséquences négatives que, du coup, on se doit d'organiser, de réguler, etc. Si on veut faire une espèce de catégorisation, il y a effectivement la planification qui est issue de la tradition marxiste-socialiste, qui voit vraiment dans le plan pas juste une manière d'harmoniser ou de gérer le marché, mais véritablement une alternative en fait au fonctionnement du marché, en disant en fait c'est pas une évidence que la gestion indirecte, l'allocation indirecte via le marché des produits, des biens nécessaires, etc., ce soit rationnel. Il y a une rationalité alternative qui est une rationalité construite politiquement et potentiellement démocratiquement et qui repose sur un calcul en nature en fonction des besoins de la société. Donc on a tout au long du XXe siècle ces deux visions-là de la planification qui s'affrontent un peu, et le moment vraiment marquant de cet affrontement, ce sera les années 30, avec, oui, d'un côté, la vision de la planification comme véritablement un projet de société en tant que tel qui permettra de sortir du capitalisme, ou du moins de le contrer de manière frontale, et de l'autre côté, une planification qu'on pourrait qualifier un peu de pragmatique, de en fait remise en marche du marché par l'État face aux crises que suscite assez inévitablement le capitalisme. Donc, à partir de là, on peut lire un petit peu tout le jeu qu'il y a entre l'économie de guerre aussi, qui a aussi un très très grand rôle dans les premières mises en œuvre de la planification, et ce moment très important des années 30, où on a effectivement la Grande Dépression, et où là, il y a tout un courant planiste, et notamment la CGT qui élabore une théorie de la planification assez aboutie, et d'un autre côté, des plans qui sont mis en place, enfin des programmes de planification qui sont mis en place, comme le New Deal de Roosevelt, qui effectivement sont pas exactement des révolutions qui mettent à bas le capitalisme, mais qui sont plutôt une nouvelle modalité plus dirigée, où l'État prend une part plus grande dans la gestion du capitalisme et son organisation, on va dire. Donc je vais peut-être m'arrêter là, mais voilà, et toute la séquence française du coup de cette histoire de la planification s'inscrit aussi dans cette dualité entre une vision radicale et une vision pragmatique de la planification, avec effectivement une planification dans les années 40 et au-delà jusqu'au tournant néolibéral, qui permet effectivement de reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'instaure pas non plus une discipline très très forte du capital privé. Oui, alors merci pour cette précision, parce qu'effectivement sur on a besoin de ce genre de repères, ce que tu nous dis, avec ce qu'a dit Didier à l'instant. Donc, et là maintenant on est de plein pied dans un programme, dans deux programmes de planification, celle de la France insoumise et puis dans celle de Macron et de l'Europe. On peut peut-être commencer rapidement par la France insoumise, parce que tu as déjà dit des choses qui vont nous concerner après sur la planification, dont on peut penser qu'elle nous offrirait une vie un peu meilleure. C'est la troisième partie. Donc peut-être un mot quand même sur la France insoumise et ensuite sur Macron. Oui, alors la planification écologique au sein de la France insoumise est portée depuis un paquet d'années, notamment sous l'impulsion de Martine Billard, qui a été, il me semble que c'était en 2009 qu'elle a porté un projet de loi lorsqu'elle était députée elle-même sur cette idée de planification écologique. Et ça part en gros d'une régénération de l'idée de planification telle qu'elle est présente dans l'histoire du marxisme et du socialisme à partir du constat des limites planétaires. C'est-à-dire que finalement, tous les constats d'irrationalité du marché qui étaient déjà présents dans la version socialiste de la planification, en fait, ils sont d'autant plus valables lorsqu'on prend en compte la situation écologique. C'est-à-dire que, de base, le fonctionnement du marché, vu que c'est un fonctionnement inconscient, c'est un fonctionnement ou indirect, où finalement on délègue la direction et le sens de nos économies, on peut, le marché est par nature incapable de prendre en compte des limites physiques, des limites en termes de besoins, etc. Donc, finalement, la planification a une légitimité double, voire triple, dans une situation de crise écologique, dans la mesure où elle vient éviter les crises qui sont liées à la dimension potentiellement anarchique et irrationnelle du fonctionnement du capitalisme, et d'autant plus d'une version financiarisée et globalisée du capitalisme. Et elle vient aussi répondre à des questions de distribution sociale dans un contexte où la théorie néolibérale du ruissellement, donc l'idée que finalement c'est plutôt bénéfique que les plus riches continuent de s'enrichir, puisque à terme tout ça ruissellera et élèvera la situation de tout le monde. Celle-ci, elle tombe un peu à l'eau dans la mesure où les évolutions contemporaines du capitalisme, c'est plutôt une capture de plus en plus importante du capital en haut de l'échelle sociale, sans forme de réinvestissement ou de redistribution qui sont à l'œuvre. Donc la planification, elle vient dans ce sens-là, et surtout du coup, elle vient répondre à ce problème des limites planétaires, en disant bon, bah, sur une planète où les ressources sont limitées, il faut forcément, c'est juste de la logique, il faut forcément une instance politique, souhaitablement démocratique, pour allouer de manière rationnelle, de manière juste, selon des principes cohérents et concertés, ces ressources à la fois géographiquement, et là on voit la connexion possible entre l'idée de planification écologique et celle de justice climatique globale, mais aussi temporellement. Et c'est là où on en revient à la spécificité de la méthode planificatrice par rapport juste à une gestion par les purs mécanismes du marché. C'est cette capacité d'organiser dans le temps cette distribution des ressources et d'avoir du coup une soutenabilité à long terme, et une prise en compte politico-économique de ce long terme. Donc c'est comme ça qu'on en arrive au sein d'une gauche qui porte une vision alternative du monde, un autre monde est possible, et je pense que ça vous dira quelque chose, on en arrive à atterrir sur cette idée de planification écologique qui n'est pas juste un outil technique de « ok, on a un... » qui est véritablement, qui va avec le projet de société porté par la France Insoumise, et notamment se connecte de manière très forte au portage de l'idée d'une constituante et de sortir de la Ve République pour en fait pouvoir faire une planification écologique qui soit démocratique. Oui, et donc ça c'est un premier point qu'on voulait faire un peu rapidement, parce que je crois que sur pas mal de choses que tu viens de dire, on y reviendra peut-être autrement. Mm-hmm. Ceci pour dire quand même que les libéraux ont pensé planification écologique. Enfin, Macron a réutilisé l'expression sans vergogne, je dirais, avec du financement. Ce qui peut effectivement faire lui aujourd'hui, puisqu'il y a l'Europe derrière. Un mot donc sur cette façon, ce Green Deal, ce pacte vert à la française, en quoi il ne satisfait pas les critères de planification tels que tu le dis, et qu'est-ce qu'on en attend, quoi, si on en attend quelque chose, nous. Bon, déjà, je pense qu'il faut saluer l'espèce de petite victoire idéologique de voir Emmanuel Macron reprendre ce terme de planification écologique. Et ça signe quand même dans l'histoire des manières dont on a envisagé les politiques climatiques et écologiques, un tournant dans la mesure où, même si on prend à l'échelle globale, l'Inflation Reduction Act, aux États-Unis, donc avec un paquet aussi d'investissements et des mesures beaucoup plus interventionnistes, tout ça, ça indique que quand même il y a une compréhension que pour un minimum de réponse à la crise climatique, qui est aussi un risque hein, pour les intérêts économiques et financiers. Pour répondre un minimum à cet enjeu-là, les seuls mécanismes de marché ne vont pas y arriver. Du coup, il y a besoin d'une intervention d'ordre étatique, d'ordre public. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème dans la mesure où il faut bien s'interroger sur ce qu'on met derrière, effectivement, cette planification écologique telle que portée par Emmanuel Macron. Et là-dessus, je vais peut-être faire deux trois points. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui était un moment finalement de politisation de la question écologique, parce que c'était une crise qui venait montrer qu'on ne pouvait pas penser l'écologie, la décarbonation ou autre, sans son autre jambe qui était la justice sociale. C'est une taxe carbone qui avait des effets redistributifs à l'envers, ça heurterait à des tensions, à des blocages, et que du coup, il fallait penser la bifurcation écologique comme un projet de société où la question de la justice serait au cœur. Là-dessus, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a été enterrée, mais qui a été un moment démocratique extrêmement intéressant, qui prouvait que finalement, si on prend un groupe de citoyens, qu'on leur donne le temps de faire un travail démocratique, qu'on leur donne les conditions pour s'informer sur les enjeux de la crise écologique et les possibles politiques qui sont sur la table, ils en sortent avec un programme assez radical. Et donc ce programme-là, il a été enterré. Et donc là, ce qu'on voit aussi avec la planification écologique version Macron, c'est un rabougrissement technocratique de la manière dont on pense la bifurcation. Bon là, c'est pas vraiment une bifurcation, d'ailleurs, c'est plutôt une adaptation de l'existant à des enjeux minimes de décarbonation. Mais du coup, on a un problème, premier point, de légitimité démocratique de cette planification. Si on est d'accord pour dire qu'il va falloir engager tous les acteurs, mobiliser toutes les parties prenantes et que la transition écologique, c'est véritablement un bousculement assez fondamental, assez intégral de nos modes de vie, de nos modes de production, il y a quand même une difficulté à pondre un plan dans un secrétariat général à la planification écologique où il y a essentiellement des gens extrêmement bien formés, etc. Il n'y a pas de souci, mais où la connexion avec la démocratie est extrêmement ténue. Donc il y a ce premier problème-là. Un deuxième problème qu'on voit avec la planification écologique dans sa version Macron, c'est son lien pas du tout questionné avec la dynamique de croissance. C'est-à-dire que de manière assez explicite, ce qui est sur la table, c'est un verdissement et une décarbonation de cycles économiques dont on ne questionne pas la dynamique d'accumulation exponentielle. Donc le risque avec ça, c'est qu'on ait plutôt une addition qu'une transition. Je m'explique. Oui. Le risque, c'est que du coup, on ait un secteur vert, des marchés verts qui émergent, notamment avec l'aide d'investissements publics, mais qu'on n'ait pas, on se donne pas les moyens de démanteler les secteurs fossiles, de démanteler les secteurs qui sont problématiques pour la transition. Mmh. Et c'est d'ailleurs quand on regarde l'histoire des énergies, et c'est là le travail d'historiens comme Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz qui le montrent très bien, on a plutôt une tendance à accumuler les formes d'énergie plutôt qu'à transitionner d'une forme à une autre. Donc le risque qu'on a avec ce genre de planification ne questionne pas la dynamique de croissance, c'est qu'on est effectivement, on va ajouter du vert sur un cœur de l'économie qui va rester plus ou moins avec un peu de décarbonation à la marge, mais qui va rester plus ou moins ce qu'il est et dont le mouvement va rester celui de l'accumulation. Et si j'ai le temps, je fais un troisième point après, je le fais rapidement et je m'arrête après. C'est en fait Il y a eu beaucoup de débats, y compris au niveau académique, etc., pour se demander est-ce que finalement, là, on n'assiste pas à une espèce de fin du néolibéralisme, puisque l'État, il intervient vraiment, il investit, etc. Je pense qu'il faut être un peu vigilant sur... Sur ce point-là, parce que c'est moins la proactivité de l'État qui compte. Si on veut juger du fait qu'on est dedans ou en dehors du néolibéralisme, c'est plutôt la rationalité qui guide l'action de l'État qui compte. Le néolibéralisme, par définition et par contraste avec la première forme de libéralisme, ça implique une activité importante de l'État pour justement maintenir, assurer... faire l'architecture des marchés, venir les sauver lorsqu'il y a des crises. Donc, ce n'est pas du tout un état passif dans le néolibéralisme. Et là, quelque part, on pourrait le voir comme une nouvelle étape de cette activité néolibérale de l'État, dans la mesure où l'État se donne un rôle de dérisquer la transition pour des acteurs privés dont on ne questionne pas le pouvoir, dont on ne détermine pas la capacité à forger le réel. Donc, c'est pas sûr qu'on soit du coup sorti de ce néolibéralisme. Ce à quoi ça se trouve, on assiste, et peut-être de manière plus probable, c'est une forme de planification écologique néolibérale. Et qui, du coup, ne renverse pas du tout la vapeur pour ce qui est de l'équilibre de pouvoir entre le capital privé et le pouvoir public. Ludovic, tu voulais intervenir ? Oui, alors, autre point aveugle, effectivement, que tu n'as pas... pas évoqué, mais sans doute peut-être en creux, sur la question de la planification à la Macron, c'est la question de la finance. On sait que dans la planification française de l'après-guerre, il y avait quand même l'idée du contrôle public du crédit, qui était un puissant levier donc, d'action et qui passait notamment par la nationalisation bancaire avec une nationalisation qu'on a pu connaître en 81. Et on voit bien que là, c'est aussi un angle mort de Macron. On sait que depuis 2017, peu a été fait pour diriger l'épargne, notamment celle des livrets de développement durable et solidaire. Si on en croit Maxime Combes, seulement 10% des encours des livrets de développement durable et solidaire ont financé des projets dits durables. Donc on voit bien qu'effectivement qu'il n'y a pas une volonté chez Macron de faire en sorte que la finance arrête de financer des projets bruns. De même qu'il y a aussi la question de la banque publique d'investissement qui pourrait effectivement, on pourrait se dire qu'en théorie la banque publique d'investissement va investir dans des projets verts. Apparemment elle passe son temps à financer des projets de start-up dont certaines sont quand même pour le moins douteuses et dont certaines sont quand même assez proches d'entreprises qui investissent dans les énergies fossiles. Donc là aussi, c'est un élément qui, encore une fois, atteste du fait qu'on a un pouvoir qui ne veut pas, ou qui ne se donne pas les moyens, en tout cas, pour peser véritablement sur la finance et faire en sorte qu'elle soit fléchée vers des projets verts et non pas des projets bruns. Ouais, complètement. D'ailleurs, cette idée de contrôle du crédit, elle est extrêmement importante dans l'histoire de la planification. Le plan de la CGT dont je vous parlais préalablement, qui a été écrit en 34, etc., et qui est vraiment un document intéressant parce que déjà, il considère la planification socialiste comme un rempart au fascisme qui était à ce moment-là en train de naître. Mmh. Enfin, plein de raisons, c'est vraiment un document intéressant. Et notamment parce que, de manière assez centrale, il y avait cette question du contrôle du crédit. Parce qu'il y avait une compréhension, en contexte de crise économico-financière exacerbée, que c'était là la source à la fois du pouvoir de détermination de la direction de l'économie, et que c'était là aussi la potentielle source d'instabilité. Et que du coup, il y avait vraiment un impératif de reprendre un contrôle public et une gestion transparente et démocratique du circuit financier. Donc il y avait un plan pour faire en sorte que la Banque de France, qui à ce moment-là pas comme aujourd'hui où on a la BCE, il y avait un véritable levier de pouvoir qui se situait à ce niveau-là. Et là, post-45, c'est pareil. il y a une dimension de contrôle du crédit qui est beaucoup, beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est notamment Éric Monnet qui travaille beaucoup là-dessus et dont les travaux sont vraiment éclairants pour comprendre la différence de situation qu'on a. Donc, effectivement, on a un problème de montant d'investissement, on a un problème de source de ces investissements et on a un énorme problème de financiarisation de l'économie et on a un problème aussi avec les modalités de verdissement de cette finance, dont en fait les modalités sont à la main des financiers eux-mêmes qui, pour le moment, en termes de taxonomie, de détermination des catégories, etc., qui correspondraient à des actifs verts, en fait, c'est de l'autogestion. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui déterminent... L'autorégulation. Voilà. Donc, l'autorégulation version financiarisée, c'est pas terrible du point de vue de la transparence démocratique de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance verte, de ce que ça recoupe, etc. Donc, on a besoin d'une reprise en main aussi de ce secteur-là. Il y avait une discussion au niveau européen sur la mise en place d'une taxonomie. Oui, effectivement, il y a des fonds européens assez conséquents sur cette, puisque c'est 1 800 milliards en fait. Bon, alors pour les spécialistes, c'est pas une goutte d'eau, mais pour l'instant, on est à 1% du budget européen, enfin le contrat de financement pluriannuel, j'entends. Mais pour l'instant, ils en font des 5% en fait. Donc on est loin du compte en termes de financement. Effectivement, et c'est pas les gens qui sont aux manettes en France qui vont changer les choses. Je pense qu'on devrait passer maintenant à ce qu'on attend vraiment de la planification. Les questions pour nous seraient, mais comment dire, quelles sont les conditions qui feraient qu'on ait une planification qui est celle qu'on attend d'une certaine façon, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui, en termes de force productive, qu'en termes d'investissement, en termes de choix économiques, vers quoi on pourrait aller. Ouais, alors je pense que pour bien poser les enjeux de ce débat-là, je pense qu'il faut être au clair sur le fait que c'est essentiellement une question de rapport de force, de rapport de pouvoir. On n'est pas dans une situation où on fait face juste aux forces anarchiques du marché, etc. En ce cas-là, ce serait assez facile de prendre le pouvoir et d'imposer une forme de planification. On fait face à des groupes d'intérêts et de pouvoir qui sont extrêmement organisés, qui mettent en place des formes de planification. C'est-à-dire que les instances qui, dans le monde contemporain, ont le pouvoir de planifier et de déterminer de manière la plus forte ce à quoi va ressembler le futur, c'est les grandes multinationales, en fait. Total, parce qu'ils font des plans d'investissement à 15-20 ans pour ouvrir encore des puits de pétrole, etc. Ça détermine de manière extrêmement forte la trajectoire climatique du globe, et donc je pense qu'il faut être très lucide sur le fait que en fait il faut qu'on arrive à opposer c'est un pouvoir public basé sur une mobilisation qui devra être d'ordre politique qu'on oppose à un pouvoir. Donc là, une des conditions de possibilité d'une planification écologique et démocratique, ce serait la construction de ce contre-pouvoir aux formes de planification capitaliste, on va le dire rapidement, et qui serait en mesure de renverser la vapeur et de s'imposer. Le voir comme ça veut aussi dire qu'il suffit pas finalement d'élaborer comme ça autour d'une table un espèce de plan de en fait dans tel et tel secteur on va changer la production de cette manière-là, on va viser tel ou tel pourcentage de décarbonation pour telle ou telle date. À mon sens, si on veut tenir ses deux bouts d'une planification écologique, substantielle et pleinement démocratique, il faut que envisager la planification comme un processus beaucoup plus émergent, qui implique aussi un changement institutionnel assez important. Et donc là, on a aussi la question des échelles qui se posent, dans la mesure où la planification dont on a hérité, celle post-45, était quand même assez étatisée, on va dire. Et même si il y avait des commissions où il y avait un vrai travail fait avec les syndicalistes, etc., qui était extrêmement intéressant et qui peut inspirer les formes de planification écologique auxquelles nous on aspirait, néanmoins il y a eu graduellement une forme de technocratisation des décisions, et du coup il faut aussi réfléchir à comment on tombe pas dans cet écueil-là, dans la mesure où les formes de production, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'agriculture, dans la transition écologique, implique un ancrage local beaucoup plus fort. Si on est sérieux sur l'idée qu'il faut faire du circuit court au niveau de l'agriculture, les énergies renouvelables se prêtent aussi beaucoup plus que le nucléaire ou les fossiles à une décentralisation de la production, du coup à une décentralisation du pouvoir. Donc une des conditions de possibilité de cette planification, c'est aussi un rééchelonnement de où se prennent les décisions sur la consommation, la production, etc. Donc c'est ça, oui. Il faut le penser en termes multiscalaires, et il faut penser en termes de subsidiarité entre ces différents niveaux, quoi. Oui, effectivement, tu fais bien de citer l'agroécologie, en fait, parce que c'est un domaine particulièrement pertinent par rapport aux choix qu'on peut faire démocratiquement. C'est-à-dire que avec l'agroécologie, on a bien quelque chose qui fait que on a besoin de science, on a besoin donc de gens qualifiés dans les sciences pour travailler sur la biologie, on a besoin de gens qui travaillent la terre, et on a besoin effectivement de vendre cette production localement de préférence, mais tout ça est assez cohérent, et pour ça je passe à l'industrie dont on traitera le mois prochain, mais c'est-à-dire dans les entreprises, comment ça peut marcher, c'est ça la question du pouvoir. Alors on peut déjà commencer par dire, je fais référence ici à quelqu'un qu'on a reçu en novembre qui est Patrice Grevet, il commençait pas par là, mais il faisait la remarque que c'est quand même, il y a quand même un enjeu extraordinaire sur les salaires, déjà. Ensuite, il y a aussi le choix de la production. Et là, il y a quelque chose où la démocratie doit pouvoir jouer, non ? Oui, tout à fait. Là, il y a tout le travail d'Alexis Cuquet, notamment sur les formes de démocratie au travail qui doivent accompagner la bifurcation écologique. Et c'est sûr que du coup, le rôle de la démocratie au travail dans la planification est central, dans la mesure où on va jouer beaucoup et sur la nature de ce qui est produit et sur les volumes qui vont être produits. Et il y a un texte intéressant d'Ernest Mandel qui est un socialiste qui a beaucoup écrit sur la planification, bon, plutôt contexte de guerre froide, etc. Un trotskiste. Il pointe le fait qu'en fait le choix du consumérisme détermine de manière très forte le productivisme, dans la mesure où cette poussée constante vers plus de diversité, plus d'innovation, y compris sur des choses qui deviennent absurdes, etc. C'est ça qui oblige à des heures de travail extrêmement fortes, etc. Donc, ce qu'il soulignait en disant ça, c'est aussi qu'on peut pas tout à fait mettre l'usine, mettre le lieu de travail, le lieu de production, dans une boîte noire, en disant en fait, c'est que l'affaire des travailleuses et des travailleurs de déterminer ce qui est produit, etc. Je pense qu'il faut un peu abattre les murs de ce point de vue-là et considérer que, en fait, les formes de citoyenneté qui qu'il faut activer pour avoir ce débat démocratique sur quelle forme prennent la bifurcation, la planification, etc., doivent reconnecter la dimension de consommation et la dimension de production, mais aussi la dimension de l'habitat, la dimension des rapports à l'environnement, les dimensions sanitaires, etc. Donc, il y a bien sûr en premier lieu une réappropriation du contrôle par les travailleuses et travailleurs de leur rythme de travail, mais tout ça dans un contexte où on a un peu cloisonné ces formes de démocratie au travail, on les a connectées à une élaboration plus large de en fait de quoi, enfin à ce débat très très important et dont on n'a pas encore vraiment parlé, oui. Qui est celui des besoins en fait, celui de la détermination sociale et démocratique des besoins. Effectivement, la question que se posait, notamment, je reviens sur Patrice Grevet, sur l'idée d'avoir une décision multiniveau. D'abord, une rediscussion au sein des entreprises de la répartition de l'excédent mode d'exploitation. Et aussi, un débat entre l'entrepreneur, les actionnaires, mais aussi les salariés, les représentants syndicaux, mais également les gens qui sont autour, c'est-à-dire les consommateurs. C'est-à-dire aussi un système bancaire socialisé, on peut l'espérer. Et voilà, c'est un peu ça. Mais revenons sur les besoins et on terminera là-dessus. Il nous reste 4 minutes. Oui, sur les besoins. Je pense que et c'est là où aussi on voit ce qui manque dans la version Macron de la planification écologique, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a une interrogation sur en fait une forme des politiques publiques de sobriété qui permettrait d'ajuster les besoins réels et la dynamique de consommation, production. Donc en fait, on ne rompt pas ni avec le consumérisme et du coup, non plus avec le productivisme et du coup, pas non plus avec les pressions et les contraintes qui s'exercent sur les rythmes de travail, la longueur des journées de travail, etc. Donc, même dans la version telle qu'elle est formulée dans le programme de la France Insoumise sur la planification écologique, c'est une planification qui est dite à partir des besoins. Et donc l'idée, c'est de dire en fait, on va partir d'un espèce d'état des lieux, de en fait pour bien vivre. Et là, en disant ça, je fais vraiment référence à cette notion de buen vivir telle qu'elle a été élaborée en Amérique latine. Mais pour bien vivre, on a besoin de quoi et ça permet d'avoir une vraie discussion sur en fait. Les mécanismes par lesquels le capitalisme crée ce que Razmik Kotyayan appelle des besoins artificiels, qui sont aujourd'hui ce qui cause à la fois des dégradations écologiques massives, et là il y a des milliards d'exemples pour montrer ça, mais qui est aussi une source de dégradation des situations sociales. Donc faire partir la planification de cette espèce d'état des lieux de, à l'échelle d'une société, de quoi on a besoin pour bien vivre, de prioriser ces besoins avec le niveau très très élémentaire hein, de il faut pouvoir se nourrir, avoir un toit, etc. Et puis le niveau auquel peut répondre le débat sur les services publics. Et je pense que là, la connexion entre la planification écologique et la garantie de une couche de service public très robuste et extrêmement important. Donc ça permet de finalement dessiner une économie où la production est toujours jugée à l'aune des besoins de la société. Et du coup, ça permet de aussi redonner sens au travail, etc. Oui, très très grande importance de cette notion de besoin, dans la mesure où en fait ce à quoi on fait face, c'est aussi à des ressources limitées. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Désolé. Pas de souci. Oui, merci en tout cas. Donc on retient cette notion motrice en tout cas de besoin pour une planification souhaitable, on va dire. Merci Claire d'avoir participé à notre émission et on te lira certainement bientôt et on te verra en vidéo sur l'Institut de la Boétie, je crois. Oui, tout à fait. Bon dimanche, merci, bon week-end et peut-être à bientôt. Merci. Bon week-end. Donc, c'était Violon Libéral de Gunless et vous êtes bien sur Radio Campus, 6-6, campuslille.com et DAB+. Et maintenant, on passe aux actualités d'Attaque. Oui, et on commence par Didier. Didier, on va commencer par le national, donc sur l'affaire Geneviève Le Guay. Donc, le procès du commissaire Souchy à Lyon a eu lieu le 11 janvier dernier. Dans le cadre de l'affaire Le Guay, donc cette militante d'Attaque qui avait été molestée, gravement blessée lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Nice. Rappelons que Macron avait conseillé à l'époque à Geneviève, quand on est âgé et fragile, de rester chez soi. Donc voilà, le jugement sera rendu le 8 mars, jour de la grève des femmes. Oui, la journée de la femme, la grève des femmes. Bon, Israël-Palestine, après avoir condamné l'attaque du Hamas et les prises d'otages, Attaque demande les sanctions contre l'État d'Israël, c'est bien le moins, après le carnage de Gaza, évidemment. L'association en appelle à la rupture des relations Union européenne-Israël, en même temps qu'à l'arrêt des exportations d'armes à Israël. Attaque soutient pleinement le mouvement de boycott des investissements sanctions, qu'on appelle le BDS. Je rappelle que le gouvernement français avait condamné le maire de Seclin parce qu'il il avait fourni l'école de Seclin Il avait refusé d'avoir des agrumes d'Israël et il a été condamné pour ça par le gouvernement à l'époque. Le boycott et les sanctions avaient mis à bas le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, le pays justement qui a déposé une plainte pour génocide auprès de la Cour de justice internationale avec le succès que l'on sait. Donc sur le volet paysan, donc attaque à commenter les dernières manifestations paysannes, en renouvelant son soutien évidemment et une agriculture paysanne capable de nourrir les humains et de concilier avec les impératifs écologiques. Donc ainsi. Attaque s'est toujours prononcée contre une agriculture productiviste et pour une agriculture respectueuse des enjeux environnementaux, de l'agriculture respectueuse également de la nature et des animaux. Donc voilà, ça, l'élevage et les animaux, ça compte aussi. Oui, et c'est ce qu'on espère pour demain, on vient de le dire. Soulèvement de la Terre, Léna Lazare et Francis Duterte, deux militants des Soulèvements de la Terre, ont été auditionnés par la police le 23 janvier dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules violents. Agro-terroristes, je rappelle. Écolo-terroristes. Attaque leur apporte leur soutien plein et entier. Il vaut mieux, pour les temps qui courent, manifester en tracteur. Ça vous épargne les charges de la police. Le Forum social mondial donc reprend, ça reprend donc avec les forums internationaux qui ont déjà eu lieu en Europe, en Afrique, en Amérique latine cette année. Donc ça sera du 14 au 19 février à Katmandou, au Népal. Donc après l'Amérique et l'Amérique latine, donc il est encore possible de faire partie de la délégation, donc de prendre les chemins de Katmandou. Oui, on ira en deux chevaux, sûrement, comme dans le temps. Quoi. Alors, gouvernance fiscale mondiale, fin novembre, 125 pays ont signé à l'ONU, en faveur d'un projet de convention cadre sur la coopération fiscale internationale, l'ébauche d'une COP de la finance, comme le réclament depuis longtemps, il faut le dire, les frères Bocquet et plusieurs économistes plus ou moins atterrés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Didier. À suivre, évidemment. Au local, donc, bon, on a évidemment les actions qui ont été menées sur les lois immigration. Les trois comités se sont mobilisés donc dans les rassemblements et les manifestations qui ont lieu d'ailleurs quasiment tous les samedis. On ne sait pas d'où ça part, mais enfin ça existe. Voilà, bon, c'est en mettre en relation aussi avec la suppression du droit du sol à Mayotte, en attendant le territoire entier, d'après ce que souhaiteraient pas mal de ténors de l'extrême droite. Oui, pour les européennes, les trois attaques de la métropole vont s'entendre une fois de plus pour lancer une campagne contre l'extrême droite avec des diffusions de tracts expliquant les dangers du Parlement européen où s'étendraient trop fortes les voix de l'extrême droite. On nous verra sur les marchés et dans les meetings, donc. Sur les ciné-débats, donc on a plusieurs films qui se bousculent un peu au niveau de la programmation des cinémas partenaires. Hein, on a notamment le film sur France Télécom, par la fenêtre, par la porte ou par la fenêtre. Il y a le film Le Bon, la Brute et les Truands, enfin l'usine Le Bon, la Brute et les Truands, ainsi que d'autres, notamment de la ferme des Bertrands. Bon, avec Attaque Lille, justement, nous, un partenariat avec le cinéma L'Univers à Lille pour proposer des films militants. Donc, j'ai une idée pour la première de L'Univers qui serait avoir lieu en juin, accueillir avec son film Hélène Desplanques sur les doléances recueillies dans les 282 communes du Nord. La réalisatrice est allée à la rencontre des auteurs, gilets jaunes ou pas d'ailleurs. Rappelons que ces cahiers de doléances sont une idée de Macron et de ne pas les utiliser, c'est aussi une idée de Macron d'ailleurs. Sur le GPI, donc les états généraux de la presse indépendante, donc ça aura lieu à Lille le 3 avril. Hein. Donc Attaque s'est engagé dans l'organisation de ces états généraux. Bon, c'est piloté par Jacques Tronceau de Médiacité, donc Médiacité Lille aussi. Dans les villes où Médiacité est présente, généralement les états généraux, les contre-états généraux ont déjà eu lieu après ceux de Paris. Voilà, donc on est tous sur la brèche, donc pour justement contrer la droitisation des médias, la presse Bolloré, et voir comment on peut agir sur les médias en tant qu'association, en tant que syndicat. Surveiller l'information parce qu'il va se passer des choses importantes et c'est des gens vachement bien qui vont intervenir. On finit avec les transports gratuits en une seconde. Florent me fait des grands yeux. Les trois attaques vont participer à cette mobilisation qui dure depuis 6 ans. D'abord sur Roubaix, maintenant sur la métropole lilloise. Des nouvelles encourageantes avec la communauté de communes de Carvin et Hénin, après Montpellier et Douai, entre autres. Conférence des débats sur les transports et le RER le 14 février dernier. C'était pas mal intéressant. Et surtout, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Vincent Doumerou, que nous avons déjà reçu à ce micro. Voilà. C'est à toi, Florent. Oui, donc pour l'agenda militant. Cet après-midi, donc un débat. Quel média à Lille pour les autonomes? Quel moyen de communication utiliser? Organisé par le Centre culturel libertaire de Lille. Et donc cela fait suite au groupe de réflexion sur l'autonomie lilloise et plusieurs rendez-vous seront proposés sur des bases anti-autoritaires pour discuter des perspectives de lutte dans le contexte actuel. Et donc le premier rendez-vous est cet après-midi à 15h au CCL, 4 rue Colmar à Lille. Ensuite, conférence gesticulée. J'ai une bonne nouvelle, vous allez être hospitalisé. Donc d'Éric Davera. La santé coûte cher, les hôpitaux sont endettés, le déficit de la sécurité sociale est énorme, une catastrophe annoncée, ils l'ont dit à la télé. Pour sauver notre système de santé, il faut faire des économies, maîtriser les dépenses. Gérer l'hôpital comme une entreprise, c'est la solution. Je cite, nous les avons cru. Résultat, des services d'urgence débordés, des personnes âgées entassées plusieurs jours dans les couloirs, un accès aux soins de plus en plus restreint au point que les vies sont mises en danger, pas assez de médecins traitants, un système de santé qui s'effondre. Et des burn-out à ne plus en pouvoir. Oui. Comment en est-on arrivé là, dans un pays qui devient de plus en plus riche, qui a intérêt à l'effondrement du système de santé? L'État ne cherche-t-il pas à torpiller l'hôpital public? Pourquoi n'y a-t-on pas résisté? Pourquoi ne résistons pas, nous les soignants, nous les malades ou futurs malades? Qui nous a convaincus que nous n'avons pas le choix? C'est notre hôpital, notre système de santé, notre vie, et nous les laissons faire. Donc deux dates pour ce rendez-vous d'éducation populaire. Le premier à l'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, donc ça sera le 23 février 19h. Et l'autre date au pôle d'Herne, au 250 rue Roger Salengro à LM, donc le lendemain 24 février à 18h. L'entrée sera à prix libre. Autre rendez-vous au pôle d'air, dans le cadre du festival du film Arcadia, le café propose la projection du documentaire Paris-Stalingrad, suivi d'un échange avec le collectif Utopia 56. Ce film est le portrait de Paris vu par Souleyman, 18 ans, réfugié du Darfour. Arrivé en France après un périple traumatisant de 5 longues années, la ville lumière, entre guillemets, dont il avait rêvé, loin de répondre à ses attentes, lui inflige de nouvelles épreuves. À la dureté de cette situation, répond sa poésie douce amère. C'est donc le mercredi 28 février à 19h30 au pôle d'air. L'APU de Fives, cette fête, c'est 10 ans. Pour rappel, l'APU, c'est pour Atelier Populaire d'Urbanisme. Et donc, il vous propose une projection escapade chez les escapés, les sans chez soi, chez les tout riches. C'est quelques individus dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence, visitant les beaux quartiers de Bruxelles. Concernés par l'implacable crise du logement, ils offrent leur regard, comme dans un safari pistant l'insaisissable riche, entre guillemets, planqué derrière des hautes haies. Ces sans chez soi débusquent ce qu'en fait tous et toutes savent. La ville est pauvre, mais bordée d'îlots de privilégiés. Donc héritage historique certes, égoïsme urbanistique surtout. C'est donc le 6 mars à 19h à l'EPU de Fives, 57 rue de Flers à Lille. Et l'APU, c'est aussi chaque lundi midi une cantine ouverte à toutes et tous à prix libre. Et pour finir, une autre conférence gesticulée, c'est la saison on dirait, mais pourquoi se priver de ce formidable outil? Donc ce sera à l'hybride et ça a pour titre « J'aime le travail, mais parfois ça fait mal » de Nicolas Dubois. Salarié associatif depuis 10 ans, naviguant entre social et culturel, il a eu l'impression de s'épanouir au travail, d'avoir un sens, une utilité sociale. Mais en 2022, il est pour la première fois en arrêt maladie pour troubles psychologiques au travail. Dans cette conférence, il propose de l'accompagner dans sa réflexion sur le rapport au travail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me fait? À qui appartient-il? Par le prisme de belles promesses du militant, lieu associatif, nous allons parler de souffrance au travail, désillusion, perte de sens, douleur physique et psychologique. Mais nous aborderons aussi comment se soigner, comment prévenir, comment lutter et surtout comment se réapproprier notre travail. Donc ça sera à l'hybride, 18 rue Gosselet à Lille, le jeudi 14 mars à 20h30. Et voilà. Ouais, merci. En plus, entre le premier et le dernier, il y a beaucoup de correspondance. Hein, tout à fait, oui. C'est moins qu'on puisse dire. Merci, merci Florent, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve le mois prochain avec quelqu'un qu'on... qui va compter, je pense, comme des autres d'ailleurs, mais qui est intéressant dans la mesure où on va parler d'industrie. Quelle industrie pour demain ? C'est quelqu'un qui a rédigé avec une équipe le Manifeste pour l'industrie en France. Et ce sera Gabriel Colletis donc, qui sera au micro, au téléphone avec nous. Voilà. Et donc, vous pouvez rester sur Radio Campus. Dans absolument. Un instant, c'est le magazine. Et à 14h, ça sera l'émission Cinéma, Mettez Compté. Voilà. Merci. Très bien. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous.